Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonjour à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Francis, le palmarès de notre invité de ce soir donne le vertige. 13 disques d'or, 2 disques de diamant, 2 disques de platine et 3 victoires de la musique. Rien que ça. Rien que ça. Et oui, Cédric. Mais Amen Mouissi, c'est aussi un ami de longue date du Blues Café. Souvenez-vous, il a enregistré en live son premier disque sous étiquette Blues Soul. Au milieu du tumulte de ses tournées, bien Ahmed a tenu à s'arrêter chez lui finalement, c'est-à-dire ici, dans le Blues Café. En effet, et Ahmed Mouissi est ici pour nous offrir une bonne pinte de blues. Titre de son nouvel album, un disque constitué de compositions en français, dans un univers teinté de blues, de soul et de rock. Accompagné des musiciens de Fred Chapelier et de sa sœur Miss Souris, en invité spécial que nous aurons durant cette émission, nous sommes fiers d'accueillir dans le Blues Café Christophe Garot à la basse, Guillaume Destarac à la batterie, Jérémy Tepper à la guitare, Victor Villafranca à la guitare et Amen Mouissi au chant. Au crépuscule, enrichirai mon âme de bonheur ridicule. Je poserai mes yeux sur de tout petits riens, invoquerai les cieux à me guider la main. À l'aube, je m'en vais vers cette péninsule où mon corps, je le sais, sur cette terre déambule. J'avancerai ainsi, fragile et incrédule, sur un chemin de vie, un fil de funambule. J'essaimerai l'amour, prostituerai mon être, m'affranchirai des jours pour revivre peut-être. À l'aube, je m'en vais vers cette péninsule où mon corps, je le sais, sur cette terre déambule. Hey, joue Jérémy. Je ferai mes adieux aux barreaux de ma bulle et jetterai au feu ce passé noctambule. Demain je m'en irai le cœur en pénitence, des mains pour chagrin mais l'espoir pour partance. À l'aube je m'en vais vers cette péninsule. À l'aube, je m'en vais vers cette péninsule où mon corps, je le sais, sur cette terre déambule. Où mon corps, je le sais, sur cette terre déambule. C'est terre déambule. Hey, Bonsoir le Blues Café, ça va? J'ai pas compris, ça va? Un morceau de Big Mama Thornton. Ah. Alors là, on va faire Hound Dog. Désolé. Oh! Are you a no friend of mine? Yeah. Et cool, merci. Ahmed Mouissi est ce soir notre invité dans le Blues Café. Et on va bien avoir besoin d'une bonne pinte de blues. Peut-être pas que de blues d'ailleurs. pour nous rafraîchir ce soir. Ahmed, tu ne peux pas savoir comme tu nous as manqué, vraiment. Ah bah, pareillement. Et on est très heureux de t'avoir dans le Blues Café, évidemment, pour parler, pour nous raconter même ce nouvel album, Une Pinte de Blues, aux chansons finalement très personnelles. C'est un roman dont tu es le héros. En fait, c'est né pendant le confinement, le premier. Donc ouais, à ce moment-là, ma femme, Marjorie, qui me dit « Mais ça serait bien que tu refasses un album. » Mais j'avais vraiment aucune inspiration, en fait. Et il s'est passé un truc assez triste, c'est le décès de notre père. Et à partir de là, je me suis un peu réfugié dans la guitare et composé, bon, évidemment, en yaourt. Et là, en fait, elle a commencé à m'aider à trouver des textes sur des mélodies que j'avais faites. Et ensuite, j'ai travaillé avec... Elle a lancé un concours sur Facebook. Et donc, j'ai lu de jeunes auteurs. Enfin, de jeunes, on s'en fout. Mais surtout des auteurs non connus, on va dire. Et j'ai lu plein de textes. Et il y en avait quelques-uns qui fonctionnaient avec ma sensibilité. Et elle m'a annoncé que c'était la même personne qui avait écrit. C'est un gars qui s'appelle Jean-Marc Guimard. Donc, j'ai travaillé avec lui. Et c'est allé très, très vite, en fait. Après, j'ai appelé Fred Chapelier. J'avais donc mes maquettes. Je voulais son avis parce qu'on était assez proches, ça vous le savez. Et donc, il avait vraiment aimé. Et ça m'a rassuré. Donc, après, je lui ai dit tout simplement, ça te dirait d'être le musicien avec tes musiciens, les gars qui vont être dans mon album et qui vont bosser avec moi. Donc, il a dit oui, et c'est parti. Il faut dire qu'il y a effectivement beaucoup de musiciens avec toi. Tu l'as dit, on cite Fred Chapelier. Il y a aussi Neil Black, il y a Pascal Bacot-Michaelian, un excellent harmoniciste. Tous ces musiciens, et j'en oublie certainement. Mac on sent que cette pinte de blues, c'est d'abord une histoire d'amitié. Ah bah, oui, en fait, avec l'âge, on se rend compte qu'on fait bien les choses qu'avec les gens qu'on aime. Ça, c'est un album qui sort maintenant, qui est sur les plateformes, mais qui va sortir en matérialisé. C'est un album qui s'appelle Une Pinte de Blues entre amis, où justement, je chante en duo avec Neil Black, avec Fred Chapelier en français. Neil Black en français, s'il vous plaît. Oui, ça vaut Gaël le coup. Buzvel en français. Il y a Manu Lanvin en français. J'ai peur d'oublier. Il y a Lisbeth, Pablo Villafranca. Il y a ma sœur Soraya. Amar Sundi, exactement. Il y a Bacot à l'harmonica qui était donc l'harmoniciste. Alors, on est un peu perdu avec toutes tes productions, Patrick finalement. Ouais. Au sujet de cet album, Pinte de Blues, tu dis quelque chose sur la pochette qu'il est fait pour s'abreuver de musique et lever son verre à la vie. C'est ton slogan ? De campagne. Oui, tout à fait, mes chers concitoyens. Tout à fait. Oui. On va être nombreux à voter pour toi avec un tel slogan. Ben, j'espère bien. Bon, j'ai aucun budget. Mais il y aura beaucoup pour la musique et la fête. Nous non plus. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Oui, c'est ça. Quelque part, tu es quand même assez fédérateur, finalement. Tu viens de citer un nombre incroyable de musiciens qu'on connaît tous, qu'on apprécie. Des gens très connus, maintenant, dans la sphère. Tu as réussi à réunir tout ça. C'est aussi une autre envie, ça, de fédérer les gens autour des projets, au-delà de l'amitié. Si tu veux aussi, c'est un petit peu un retour. Grâce à vous, j'avais chanté avec Gaël Buzvel à la Blues Party. Fred Chapelier, je l'ai connu parce que je suis allé le voir en concert. Je l'écoutais sur Jazz Radio Blues à l'époque. Et j'ai vraiment apprécié ces gars comme Neil Black. Je suis allé les rencontrer et ils m'ont laissé la chance de faire un jam avec eux, de chanter avec eux. Ils ont apprécié mon chant, puis ils ont apprécié le fait que ça, le mot à la mode, c'est ça matchait ensemble. Oui, voilà, c'est des gens simples, c'est des gens cool. Manu, je le connais depuis très très très longtemps. Très très très très très longtemps même. Et donc voilà, j'ai bossé avec des amis. Et Christophe Garraud, je l'ai rencontré ici. À l'époque, il était avec Benoît Blueboy. Et c'est vrai que puisque tu parles de Benoît Blueboy, il y avait une belle rencontre aussi que vous pouvez retrouver sur YouTube. Vous aviez fait un titre sympa. Il faut dire qu'ici, c'était passé un truc parce que tu avais même sorti un album live enregistré au Blues Café. C'est ça. C'était le début de ce qu'on disait tout à l'heure, cette ère vraiment blues soul, quoi. Mais j'ai toujours aimé ça, moi. À la base, mon truc, c'était le rock'n'roll 50s. Donc j'ai commencé par le rock'n'roll 50s et de là, je suis passé donc dans le rock'n'roll 50s. Vous savez tous qu'ils étaient tous fans de blues. Et de Rhythm and Blues, donc je suis passé de là à Sam Cooke, Otis Redding, et puis j'ai écouté des gens comme Prince, mais ma base, c'est vraiment le rock'n'roll. On avait bien connu à l'époque un certain Gene Everett. Exactement, très grand chanteur de rock'n'roll de Chambéry. Alors tout ton disque est en français, une envie que ton public puisse comprendre ce que tu chantes. C'est exactement ça. En fait, ma belle-mère, les yeux dans les yeux, elle me dit « Ahmed, vous chantez super bien, mais quand vous chantez en anglais, je comprends rien ». Et c'est vrai que je me suis posé la question à ce moment-là et je me suis dit que en fait peut-être que je m'éloignais des gens en leur chantant en anglais, même si j'adore ça et même si eux aussi adorent ça, et que si je voulais faire passer des choses qui sont dans ma vie ou dans leur vie, Ça serait bien de le faire en français, mais il fallait toujours de bons auteurs. Merci. Votez pour moi. Alors, on l'a dit, l'album, il s'appelle Une pinte de blues, donc il est vraiment sous fond de blues et de rock. Justement, c'était pas trop difficile de faire sonner tes chansons en français, dans ce style-là? Bah, c'est surtout plus difficile pour moi de sonner en français sur de la variété. Tu sais, ça reste dans le corps, tout ce que tu chantes dans un style de musique. Ça s'entend après dans ta façon de chanter, dans les sons que tu veux employer. Et évidemment, le fait d'être avec les musiciens de Fred Chapelier qui sont là, qu'on peut applaudir. C'était un choix. On a enregistré live. On a fait une résidence avant, on a répété avant et on est allé en studio, on a fait 3-4. Donc ça se ressent dans l'album. Et comme tu vois, quand tu écoutes Eddie Mitchell, c'est pas si difficile que ça. Il suffit d'avoir des bons textes qui swingent. Et j'aimerais aussi signaler que dans l'album, je fais des chansons qu'on qualifierait de chansons françaises. C'est pas uniquement. Oui. Alors nous parlions tout à l'heure d'Ode à la vie en chantant. Et le disque s'ouvre justement sur une chanson que tu as appelée Je chante. Alors c'est déjà bien de nous le confirmer. Ouais. On n'en doutait d'ailleurs pas. C'est comme un hymne, une évidence en tout cas pour toi. Tu le dis dans tes paroles, je suis né pour chanter. Mais tous, on est né pour chanter. Pas Cédric. Hein. Non, mais j'ai pas dit bien chanter. J'ai dit on chante tous. Je suis sûr quand vous avez été petit, et puis même, il y en a pas mal qui sont assez jeunes ici. Et, bah, nous, et déjà. D'autres qui sont de ma génération et d'autres. Vous avez tous chanté avec Po quand vous étiez gamin. Vous avez des gamins qui chantaient Po. Donc ouais, je pense que tout le monde chante. Et puis quand je dis je chante, c'est aussi histoire de dire je lâche tout et je chante quoi. C'est puis après personnellement, évidemment, c'est un clin d'œil à ma vie, mais je parle de tout le monde en fait. Mais le fait de l'avoir mis, enfin d'avoir mis cette chanson plus exactement en ouverture du disque, ça signifie quelque chose quoi. Ça, bien sûr. Pour démarrer, c'est un morceau assez rythmé en plus. Oui, en plus, c'est pas un album où je fais de la démonstration vocale à. Bon, il y a des chansons comme Une humeur animale que je vais chanter. Oui, on va en parler. Où aussi. Ça arrache dans l'esprit Little Richard. Ça d'ailleurs, j'ai fait cette chanson parce que un de mes frères m'a dit ouais, elles sont bien tes chansons, mais t'es vachement doux dedans. Dans toutes tes chansons. Donc je dis, ok, je vais t'en faire une, tu vas voir, je vais m'énerver. Et donc la chanson s'appelle Humeur animale. Mais il y a d'autres chansons, comme Je suis de ce pays, où c'est tout dans la douceur, comme je suis un grand fan de Sam Cooke ou de Gene Vincent. C'est des voix qui sont très, très, très douces. Et c'est pas parce que c'est doux que c'est facile à chanter. C'est une autre facette. Et puis. Il faut un supplément d'âme. Merci. Je prends. Il y a le titre Paname aussi, qui est un Paname. Beau texte. Un sur, titre pas mal ou Paname. Paname, pas mal. Sur Paris, quel rapport justement tu as avec la capitale Je suis fan du PSG. Et, ah non, c'est pas ça qu'il fallait répondre. Mince. Mais quel imbécile je suis. Non, c'est parce que ça me rappelle l'époque où je suis arrivé à Paris et j'ai fait la manche dans la rue. Et après, plein de belles choses se sont passées. Puis j'ai quitté cette ville. Et c'est vrai que j'aimerais pas trop y vivre parce que c'est devenu invivable. Tu peux pas circuler, tu peux pas respirer, tu peux pas laisser tes gosses dehors. Donc j'adore y retourner et c'est un peu ce que je raconte. J'adore, tu vois, c'est dans le clip, je suis dans une voiture et je regarde autour, quoi. Je suis pas complètement dedans, c'est plus dans un retour de mémoire et. Alors, il y a une autre chanson qui s'appelle « Milkshake Banane », une chanson en forme de glace. Nous tairons évidemment le nom du glacier de Chambéry, car tu lui fais pas vraiment une bonne publicité. Non. Disons simplement qu'il était situé place de la mairie. On n'en dira pas plus. En tout cas, je cette femme... Je peux te préciser, si tu veux. Cette femme, c'est carrément une comédie cinématographique. Hein, oui, c'est... On y voit presque les acteurs, hein, toi, ta famille, tout. Quand on parlait d'Eddie Mitchell, c'est un petit peu cet esprit-là. Une tranche de vie. Voilà, c'est un instant, c'est l'été, j'ai envie de me faire un milkshake. Et là, en l'occurrence, un milkshake banane. Il y a deux glaciers sur cette place de la mairie à Chambéry. Il y en a un sur la droite quand tu es sur les escaliers, là. Et celui-là est fermé. Et c'est un excellent. Il y en a un autre à gauche et la terrasse était pleine. Mais on taira le nom, hein, surtout, c'est important. Non, c'est celui qui est à gauche quand vous êtes sur les escaliers. Et là, j'ai pris un milkshake et le tiède. Déjà, je me suis inquiété. Milkshake tiède. C'est pas le concept. Alors, comme je suis pas quelqu'un qui fait des histoires, j'ai fait goûter à ma femme. Elle m'a dit, mais c'est dégueulasse. Et donc, je suis allé le signaler gentiment et je me suis fait insulter, incendier. Fut un autre temps, j'aurais peut-être été plus sanguin. Et là, j'ai dit, toi, tu vas finir dans une chanson. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est sanglant. C'est moins dangereux. Cette chanson, quand je l'ai écoutée, c'est vrai qu'elle m'a fait penser à des chansons comme Au camp du bonheur d'Eddie Mitchell, justement. Exactement. Et aussi, dans la tradition du blues en français, on pense à des chansons comme celle de Benoît Blueboy, aussi avec beaucoup d'humour. Oui. Patrick Verbeek, Bill Durham, c'est vraiment dans cette lignée-là, cette chanson, quoi. Oui, c'est ça. C'est, de toute façon, c'est les... je vexais personne, mais c'était les premiers qui chantaient le blues en français. Et ils avaient tous dans leurs chansons, comme Patrick avec l'escalier de ma môme, c'est pas le whisky. Tu vois, moi je marche doucement de Blue Boy. Bon, Paul Personne est un peu plus sombre. Oui. Sauf dans la chanson À Bientôt, j'aimais bien la chanson À Bientôt. Alors sautons quelques titres avant de te retrouver sur la scène du Blues Café. Et pour arriver à ce titre, tu en as dit juste deux petits mots tout à l'heure, Humeur Animale. Oui. Musicalement, tu l'as traité en blues. Oui, c'est ça, complètement. Peut-être un style, finalement, qui te permet, comme la soul, de pousser ta voix, de jouer voilà, sur ça, ta voix. C'est, hein, ça. C'est ça, d'être plus dans le style de Little Richard ou de hurleurs, comme ça, des shouters. Tu vas nous la chanter, ça ? Je vais vous la chanter juste après une chanson qui s'appelle Je suis de ce pays, qui est une chanson que je chante en duo avec ma sœur, Miss Souris. Et c'est une chanson, les droits sont reversés à Médecins Sans Frontières. Voilà, c'est, je tenais à le dire. Et, c'est un texte assez difficile. C'est un texte assez dur et je voulais pas justement traiter cette chanson qui aurait pu être une chanson vindicative et où je pouvais hurler. Je l'ai faite en version soft et gentille, et douce, pardon. Eh bien, la scène est à toi, Ahmed. Merci les amis. Et les applaudissements du public. Ahmed Mouissi. Et ce soir dans le Blues Café Live avec une invitée de marque, Miss Souris, pour ce très beau titre, Je suis de ce pays. Je suis de ce pays, berceau de nos ancêtres, déserté par la vie dont on veut se repaître. Ce pays, celui qui m'a vu naître, celui d'où je m'enfuis pour renaître peut-être. Ce pays, fierté d'Orient la guerre que les miens ont détruit pour de vives prières. Celui qui est meurtri sable colère, par le feu de fusil, j'ai de mes frères. Je suis de ces pays dont je dois me complaire, être enfant mutilé en offrande à la guerre. au terreau de jardinier, sur un lit de misère. J'ose ma liberté qui est à périr en mer. J'ose ma liberté qui en mer. J'ose ma liberté quitte à périr en mer. Mes souris, s'il vous plaît. Monsieur Ahmed Mouissi et son berne. Vous arrivez des fois le matin de vous lever de très très très mauvaise humeur? D'une humeur animale? Ok, je compte sur vous. Ahmed Mouissi. Ahmed, tu vas nous rejoindre et puis tiens, on va demander à Soraya, Miss Souris, de venir aussi à tes côtés puisqu'elle a aussi une petite actualité. On va en parler avec elle. Bon, Ahmed, justement, puisqu'on parle de ta sœur, tu as plusieurs frangines, mais vous êtes tous très proches finalement. On sent que ta famille est essentielle, hein, qu'elle est comme un clan. Hein. On sent un clan quand même derrière tout ça. On peut savoir comment ça marche justement. Ouais, ça marche super bien. T'es un peu le pater familial là-dedans. Non ? Ouais, je suis l'aîné. Bah voilà. Ils me doivent le respect. Et comment tu vis ça, Soraya, Miss Souris? Bonsoir, je suis déjà ravie d'être là, donc merci pour l'invite. Je le vis super bien, la preuve. Hein. On cool. sent que vous avez tous, dans la famille, suivi les histoires de Ahmed depuis toujours. Chaque fois qu'il est venu, il y avait une grande partie de la famille qui était là pour le voir, pour l'encourager. C'est... Pour remplir la salle. Pour remplir la salle. On n'est pas comme ça, Ahmed. Ouais, on est une vraie tribu. On pourrait même rajouter dans la tribu ta femme, Marjorie, que je vous demande d'applaudir parce qu'elle fait un travail énorme dans l'ombre derrière. Sans qui, dit-on généralement, Ahmed, que rien ne serait possible, en fait. Hein. Ah, mais ça, je le dis clairement. Quand les gens disent, mais c'est dingue tout ce que tu fais, c'est génial. Comme hier, j'ai dit au Brin de Zinc, parce que j'ai joué donc dans ma ville natale, à Chambéry. Et donc après, j'ai dit, et Marjorie qui m'a remis sur scène. Voilà, donc ça veut tout dire. C'est grâce à elle si on fait tout le boulot qu'on fait en ce moment. Ouais, bravo. Alors sur l'album, on l'a dit, il y a des titres qui sont très émouvants. Il y a ce titre que vous avez interprété tous les deux sur scène, Je suis de ce pays. J'aimerais aussi qu'on parle du titre Sans toi, qui est dédié à votre père. Il y a même sa photo dans le livret du disque. J'imagine que c'est un moment fort, cette chanson. Si tu veux, l'histoire de cette chanson, donc quand notre papa est décédé, je composais une mélodie et je disais I see your face and everywhere, des choses comme ça. Et Marjorie m'a dit, c'est qui cette... qui tu écris là? Et je lui ai dit, c'est sur mon père. Bon, ça l'a calmé tout de suite. Et c'est là qu'elle a commencé à écrire des mots et c'est là qu'elle s'est dit on va bosser ensemble. Et puis je me suis dit on va bosser ensemble. Après je l'ai soumise à mes frères et sœurs, puis maintenant elle va parler. En fait quand ils ont fait l'album ensemble, on a un groupe famille, depuis juste avant que notre papa parte. Ahmed a partagé tout son album, en fait, son autre groupe. Voilà, toutes les maquettes de l'album. Et sans toi, oui, on a même du mal à l'écouter, du coup, parce qu'elle est... voilà. C'est un bel hommage, j'ai pas envie de dire une dédicace, c'est un très très bel hommage qu'il a fait à notre papa. Tout le monde a sa petite dédicace dans l'album. Il y a aussi Marjorie, on en parlait tout à l'heure, elle veut un petit nom. C'est pour elle? Évidemment. Oui. Elle voulait que j'écrive une chanson d'amour. Et moi, je suis vraiment pas auteur, moi, je suis très très pudique avec les mots. Et dans notre relation, c'est vrai qu'elle voulait que je l'appelle différemment de ce qu'il y a pu y avoir dans mes vies précédentes. Et c'est un peu délicat parce que tu vois, trouver un nouveau petit nom à ta chérie. Et j'avais trouvé Petit Rognon. C'est authentique, hein. C'est authentique. Mais quoi, mon cœur, c'est aussi des abats. Hein. Les rognons, les cœurs. Je pouvais l'appeler mon petit délice oriental, ma corne de gazelle. Et ça a fini en mon petit machin. Quel romantisme, hein. Bah, moi, je suis grave romantique, t'as vu? Et elle me file un texte. Elle me dit, voilà, tu vas chanter ma chanson d'amour. Donc, elle s'est écrite elle-même. Tout ce que j'avais à lui dire, mais elle sait très bien. En fait, elle a écrit tous les mots que je lui disais. Et donc, c'est dans l'esprit de Mitchell. Jeremy Tepper est à la pédale style guitare dans cette chanson. On a fait un truc un peu country. Ça s'appelle « Elle veut un petit nom ». Et c'est vraiment très très très sympa si vous avez l'occasion, et voilà. Miss Souris, donc tu as commencé déjà à chanter, et dans quel répertoire tu œuvres justement un peu plus large, il me semble, non? Ouais, il est large, je me prive de rien. Il y a du rock and roll, il y a du hard rock, il y a de la folk, il y a de la country. En fait, j'ai découvert des tas de trucs avec Ahmed et j'ai rencontré mon amoureux Nico Alligator Man David qui m'a fait écouter d'autres choses, et en fait dans notre petit groupe, notre petite formation à trois, on se fait plaisir, on fait des reprises, mais à notre manière. Donc avec Dobro, guitare slide, guitare acoustique, et puis moi j'appelle ça des chichis, les trucs qui font des bruits de filles, quoi. Parce que je joue pas d'instrument. Tambourin, donc, s'appelle. Voilà, un tambourin, et pardon. Et stambo. Voilà, le grand-père. En tout cas, on t'a vu souvent avec Ahmed chanter. On a un très beau souvenir de cette version de Proud Mary que vous faisiez ensemble régulièrement. Qu'est-ce qui t'a poussé là à se dire ça y est, cette fois j'y vais, je me lance? En fait, Ahmed m'a toujours entendu chanter dans les karaokés. J'étais très jeune, Ahmed faisait partie des Poho à l'époque, et plutôt que d'aller faire des soirées avec des copains, et le soir on allait à Aix-les-Bains, les tonneaux, faire des karaokés. Et un jour il m'a invité sur son album pour interpréter le titre Avava Inouva de Idir. Et il a compris. C'est peut-être le premier, qui a compris que j'étais un peu sur la même route que lui. Je me suis privée. Enfin, j'ai eu une autre vie. Et pareil, avec le décès de mon papa, je me suis dit, il faut y aller, quoi. J'ai des choses à dire. Voilà. Donc, du coup, Ahmed m'a toujours invitée. Et Pran-Marie, j'aurais jamais osé. Et puis, Ahmed, en fait, c'est Ahmed qui m'a toujours dit, allez, vas-y, on s'en fout, fais, éclate-toi. Oui. Vraiment, il a été d'une bienveillance, mais les gens ne l'ont pas aidé. Et c'est super dur d'être la petite sœur d'un mec comme lui, parce qu'au-delà de, voilà, les gens connaissent pas 10 commandements, mais c'est un interprète monumental. Et je le dis pas parce que c'est mon frère, c'est vrai, j'ai des oreilles. Et du coup, d'être la petite sœur de cet artiste, c'est pas facile. Et quand il vous dit vas-y, on y va, quoi. Merci, Miss Souris. Merci à vous pour l'invite. Un disque bientôt. Et l'année prochaine, on aura l'occasion d'écouter des chansons originales de Miss Souris. C'est Ahmed Moussou qui va me faire mon album, du coup. Enfin, on va collaborer parce que moi, les compos. Quand j'aurai 2 minutes. Ouais, c'est ça. Quand j'aurai 2 minutes avec tout l'agenda qu'on. Oui, oui, oui. Ce Marjorie, elle m'a fait un agenda comme si j'avais 20 piges. Juste dans quelques secondes de tes projets, justement, annexes, si je puis dire, mais je voulais juste revenir sur un titre. On parlait tout à l'heure de rock. Il y a un titre qu'on trouve plein de rock, assez festif et dansant encore, lui aussi. C'est Pour 2 ou 3 verres de trop. Un mot sur ce morceau? Encore une fois, c'est Jean-Marc Guimard qui m'a guidé. Il avait ce texte, comme celui de Je suis de ce pays, qui sont assez forts. Il parle donc de tous ces gens qui ont pu écrire des choses et qu'on a pu abattre ou mettre en prison ou fait taire. Donc la chanson s'appelle 2 ou 3 verres de trop et ça raconte un peu ça. Puis on l'a mis en musique sur un côté un peu funk, soul. En français, il y a des gens qui m'ont dit que ça faisait penser à Higelin. Mais ça m'a étonné parce que je ne pensais pas à ça du tout. C'est ça qui est drôle, composé en français. Vous vous retrouvez avec une chanson, quand vous voulez sortir d'un type typé blues ou typé chanson française, si vous faites un truc un peu au milieu, vous vous rendez compte que ça reste une chanson et c'est plus un style. Quand on fait la même chanson en anglais, on va dire « Ah, c'est du funk, c'est du soul ». Et si tu le fais en français, on va dire « Ah, c'est une chanson française ». C'est une autre voix qui s'ouvre. C'est ça, notre écoute. Alors, on disait tout à l'heure qu'il y a une pinte de blues, mais aussi des tas de projets, enfin plusieurs projets en tout cas, annexes. Une école de musique, elle a ouverte, hein, ça y est. Ça y est, on a fait ça. Alors, la semaine dernière. Alors c'est quoi cette école de musique? C'est parallèle à certaines choses. Bruno Berberès, qui est le directeur de casting de The Voice, est un ami de très longue date. Il a commencé ce métier en étant manager à l'époque où j'étais dans les 10 commandements. Il était le manager de Pablo Villafranca, qui est le papa de Victor Villafranca. Donc le temps passe et puis... Marjorie, on était souvent en contact avec Bruno et il a dit mais t'as des gens là-bas qui chantent bien, je peux voir et je commençais un casting avec lui et entre temps j'ai fait faire une préparation à ce qu'est un casting, c'est-à-dire qu'il y a des gens ils savent pas du tout ce que c'est, comment on se tient, ils perdent 80% de leurs moyens. Et donc je leur enseigne la façon d'être pour être aussi décontracté que moi en ce moment. Malgré le fait que je transpire comme un... Mais nous aussi, comme une olive dans un pressoir. C'est l'avantage de la radio, du coup, ça ne se voit pas. Oui, c'est pour ça que je le dis. On parle aussi de ce festival en 2023, près de Dijon, c'est là où tu habites aujourd'hui, avec une très très belle programmation. Pas mal d'amis qui sont passés ici dans le Blues Café, d'ailleurs. C'est ça, beaucoup d'amis qui sont passés ici et qui sont dans l'album Pinte de Blues entre amis. Et Marjorie, on est dans un village de 412 habitants. Nous, les enfants... Le chien et le lapin, ça, on est 418. J'ai bien compté, 417. Ah, ça, c'est Marjorie, t'as vu ? Ça tombe bien, hein ? Et donc, on a soumis l'idée, on a un super cadre, on est au bord de la Saône. Évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas la région, il y a la route des vins. Pour ceux qui connaissent, qui connaissent bien la région, il y aura la route du blues. Et donc, on aura de grands artistes que vous connaissez. Mais pour une fois, tous en même temps dans le même festival qui durera 2 jours. Mais en même temps, on ouvrira le festival parce que c'est la première édition à d'autres artistes qui seront... On va faire même un brunch gospel le lendemain, des choses comme ça. Oui, on va essayer de faire quelque chose de bien. Pour terminer, puisque ton actualité, c'est l'album Une Pinte de Blues et c'est aussi l'album Une Pinte de Blues entre amis qui va sortir, j'imagine, bientôt. Et j'invite tous les gens à aller voir le making-of de cet album parce que j'ai l'impression que c'était une belle tranche de rigolade. Ouais, c'est clair. Il y a le clip Humeur Animale. C'est ça. Où on nous voit tous ensemble. travailler et partager. C'était chouette, c'est une belle expérience, ça sort quand ? C'est sur les plateformes déjà. D'accord. Le clip est sur YouTube, mais c'est bientôt en CD. Marjorie, quand ? Au mois de novembre. Merci Ahmed. Un triomphe. Merci tout le monde. Merci de votre accueil. Ahmed Mouissi retourne sur la scène du Blues Café. Avec ses musiciens, on va les reciter. Christophe Garot, Guillaume Destarac, Jérémy Tepper et Victor Villafranca. Pour le trois vers le trop, quelques rimes assassines. On te fera la peau pour la rendre bien clean. Bluesman ou bien rocker, ne te laisse pas faire pour des accords mineurs et des notes éphémères. La musique à mon dos, les mots mauvaises mines. Si la vie s'en faut, accorde-toi le spleen. Qu'on te donne le la ou te dise un vici. Ami qui que tu sois, ne fais rien à ta vie. Pour le droit vers le trop, quelques rimes indociles, même sous les barreaux ne te viens pas servir. Fais entendre ta voix, résonner tous les cœurs, fais vibrer sous tes doigts la peau, le son, le cœur. Quand la soif n'est plus là, la vie hors de portée, ne perds jamais la foi, le rêve est à la clé. Sous le joug des tambours, aux archers des violons, l'ami chante toujours la musique à ses dons. Dans le bras vers le trop, quelques rimes assassines. On te fera la peau pour la rendre bien clean. Bluesman ou bien rocker, ne te laisse pas faire pour les accords mineurs et les notes éphémères. On te fera la peau pour la rendre bien. Fais entendre ta voix, résonner tous les cœurs, fais vibrer sous tes doigts la peau, le sang, le cœur. Assassine, on te fera la peau pour la rendre bien clean. Merci les amis. Dans cet album, il y a un titre qui est une reprise. C'est un morceau que j'avais adoré. Je pense que vous l'avez connu aussi, ce titre. Et que vous l'avez adoré. C'est un morceau de Daniel Lanois. Un titre qui s'appelle « Jolie ». Oui. Jolie, how do you do? Mon nom est Jean-Guy Thibault Leroux. I come from Miss of Get to Know. Mon nom est Jean-Guy, ma jolie. J'ai une maison à La Fontaine, where we can live if you marry me. Une belle maison à La Fontaine, where we can live you and me. Ma jolie Louise, ma jolie Louise. Tous les matins au soleil, I will work till work is done. Tous les matins au soleil, I did work till work was done. And one day, the foreman said, Jean-Guy, we must let you go. Puis mon nom n'est pas bon at the mill anymore. Oh Louise, ma jolie Louise, ma jolie Louise. My kids were small, 4 and 3. Et la bouteille, she's mon amie. I drink the rum till I can see. It has a shame, Louise does not see. Carousel turns in my head, and I can't hide. No, no, no, no. And the rage turns in my head, and Louise, I struck her down, down on the ground. I'm losing my mind, I'm losing my mind. En septembre 63, Keith Dragon and Souls Louise. Ontario, they did go near la ville de Toronto. Now my tears, they roll down tous les jours. And I remember the days and the promises that we made. Ma jolie Louise, ma jolie Louise, yeah. Now my tears, they roll down to the jour, oh, oh, oh. And I remember days and the promises that we made. Oh Louise, ma jolie Louise, ma jolie Louise. Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. C'était ce soir le retour de Amen Mouissi dans le Blues Café Live. On remercie également Miss Souris qui était notre invitée ce soir. Merci à toute l'équipe du Millennium. Merci à François Rosanciel qui assure la captation vidéo et au studio Magneto qui assure le mixage. Messieurs, la scène est à vous. À bientôt. Et ciao, merci, bye bye. Merci Ludo. Merci Seb. C'était Sans Lumière. Le premier titre que j'ai enregistré dans ma vie, je devais avoir 20 ans ou 19 ans. Et la première fois que j'ai vu un studio d'enregistrement, c'est une chanson qui s'appelait Shirley Lee. Et on va vous l'envoyer. We'll be right back.